Chapitre 9. Arrivé à Hong Kong. Le vapeur anglais. Singapour. Plantation. Partie de chasse dans les jungles. Funérailles chinoises. Fêtes aux lanternes. Température et climat. Notre traversée de Canton à Hong Kong fut heureuse, mais très lente à cause des vents qui nous furent toujours contraires. La première nuit, nous fûmes réveillés par quelques coups de feu qui, sans doute, n'étaient pas à notre adresse, car nous ne fûmes pas inquiétés davantage. Les Chinois, que j'avais pour compagnons de voyage, se conduisirent encore cette fois envers moi d'une manière très convenable et très gracieuse. Et si j'avais pu lire dans l'avenir, j'aurais volontiers renoncé aux vapeurs anglais et continué mon voyage dans une jonque. Malheureusement, il n'en fut pas ainsi, et il fallut me résoudre à profiter du bateau à vapeur anglais, Peking, de la force de 450 chevaux, commandé par le capitaine Franzon, qui va tous les mois à Calcutta. Comme le prix des places est excessivement élevé, on me conseilla de prendre la troisième classe et de louer la cabine d'un machiniste ou d'un sous-officier. Note. De Hong Kong à Singapour, première classe 173 $. De Hong Kong à Singapour, deuxième classe 117 $. Distance 1100 lieues marines. Enchantée de ce conseil, je m'empressai de le mettre à exécution. Qu'on se figure ma surprise quand on me refusa un billet de troisième classe. On me fit remarquer que la société y était trop mal composée, que la lune était très fatale aux passagers de troisième classe obligés de dormir sur le pont, etc. J'eus beau objecter que je savais bien ce que je faisais et ce que je voulais, tout fut inutile. Pour pouvoir partir, je me vis obligé de prendre la seconde classe. Cela me donna, comme on pense, une singulière idée du libre arbitre chez les Anglais. Le 25 août, à 1 h après-midi, je me rendis à bord. En arrivant au vaisseau, je ne trouvais pas de domestique pour les passagers de seconde classe et je dus m'adresser à un matelot pour faire porter mes bagages dans la cajute. Celle-ci n'avait nullement l'air confortable. Les meubles y étaient de la dernière simplicité, la table pleine de taches et de saleté, et le désordre très grand. Je regardai la cabine où il me faudrait coucher, et je ne trouvai qu'une seule pièce commune aux hommes et aux femmes. Cependant, on me dit de m'adresser à un des préposés qui m'assignerait sans nul doute une autre place pour la nuit. Je ne manquai pas de le faire, et j'obtins en effet une jolie petite cabine. Le steward eut la complaisance de me proposer de prendre mes repas avec sa femme. Note. Le steward a le rang de sous-officier. Il est chargé de tout ce qui concerne la nourriture. Je n'acceptai point. Je ne voulais pas, en payant si cher, tout avoir par grâce. D'ailleurs, c'était le premier vapeur anglais sur lequel je naviguais, et j'étais désireuse de voir comment les passagers de seconde classe étaient traités. Notre société à table ne se composait pas seulement des passagers, qui n'étaient que 3, sans me compter, mais aussi des cuisiniers et des domestiques des premières, du boucher, enfin de tous les gens du bateau qui voulaient bien se contenter de notre ordinaire. Avec cela, on ne regardait pas du tout à la toilette. L'un arrivait sans habit ou sans jaquette. Le boucher oubliait d'ordinaire de mettre des souliers et des bas. Il fallait, certes, avoir un appétit robuste pour pouvoir manger en pareille compagnie. La nourriture était digne, sans doute, des gens de l'équipage anglais et de leurs costumes, mais elle n'était nullement convenable pour des passagers dont chacun payait 13 $ par jour. La nappe était remplie de taches et, en guise de serviette, chaque convive pouvait prendre son mouchoir de poche. Les manches des couteaux et des fourchettes étaient en corne blanche ou noire. Les couteaux étaient ébréchés, les pointes des fourchettes cassées. Le premier jour, on ne nous donna pas du tout de cuillère. Le second jour, il en parut une seule, qui, pendant tout le temps que dura le voyage, ne fut accompagnée d'aucune autre. En fait de verre, il y en avait deux de l'espèce la plus commune qui passaient de bouche en bouche. Comme femme, j'eus, par une distinction spéciale, au lieu de verre, une vieille tasse à thé dont l'anse était cassée. Le cuisinier en chef, qui faisait les honneurs de la table, excusait le désordre en disant que, cette fois-ci, le garçon manquait. Mais cette excuse me sembla par trop naïve, car quand je paye pour qu'on me donne en réalité, et non pas pour ce que je pourrais peut-être avoir une autre fois. La nourriture était, comme je l'ai dit, très mauvaise. On nous envoyait à nous, pauvres malheureux, les reliefs de la table des premières. Deux ou trois mets étaient souvent placés côte à côte sur le même plat, même quand il n'y avait pas entre eux le moindre rapport. On s'en inquiétait peu et on ne se souciait pas davantage que les mets arrivassent chauds ou froids sur la table. Un jour que nous prenions le thé, le cuisinier en chef, dans un accès de bonne humeur, nous dit « Je me donne toutes les peines du monde pour vous bien nourrir. » J'espère que vous ne manquez de rien. Deux des convives qui étaient anglais répondirent « Oh yes, that's true. Oh oui, c'est vrai. » Le troisième, un portugais, n'avait pas compris le discours pathétique du cuisinier. Moi, allemande, je n'avais point de patriotisme anglais et j'aurais répondu différemment si je n'avais pas été femme et si cela avait pu améliorer quelque chose. L'éclairage se composait d'une petite chandelle qui souvent était usée dès 8 heures. On était alors forcé ou de rester dans l'obscurité ou d'aller se coucher. Le matin, la cajute servait encore de boutique de barbier. L'après-midi, de chambre à coucher où les cuisiniers et les serviteurs, épuisés de fatigue, venaient s'étendre sur les bancs. Pour compléter ce confort, un des officiers du vaisseau mit encore dans notre cajute deux jeunes chiens qui hurlaient toujours. Ils n'avaient pas osé les mettre dans celle des matelots, sachant bien qu'on les aurait jetés sans façon à la porte. On croira peut-être mon récit exagéré, d'autant plus que l'on s'imagine trouver toujours chez les Anglais un ordre et une commodité admirables. Mais j'affirme que je n'ai dit que la plus exacte vérité. J'ajouterai même que, bien que j'ai déjà beaucoup voyagé en bateau à vapeur et que j'ai toujours pris des places de seconde classe, je n'ai jamais payé un prix si exorbitant et n'ai été traité nulle part d'une manière aussi misérable et aussi révoltante. Jamais de la vie, on ne m'a escroqué mon argent avec tant d'impudeur. La seule chose qui me fit plaisir fut la conduite des officiers, qui étaient tous très polis et très complaisants. Ce que je ne pouvais me lasser d'admirer, c'était la patience inouïe avec laquelle mes compagnons de voyage supportaient tout. Je voudrais bien savoir ce que diraient les Anglais qui ont toujours à la bouche les mots de confort et de confortable si on les traitait ainsi sur un bateau appartenant à une autre nation. Les premiers jours de notre traversée, nous naviguâmes toujours en pleine mer et ce ne fut que le 28 août, au soir, que nous aperçûmes la côte montagneuse de la Cochinchine. Nous l'allongeâmes pendant toute la journée du 29. Mais à l'exception de chaînes de montagnes richement boisées, nous ne vîmes rien, ni habitants, ni habitations. Le soir seulement, quelques feux qu'on aurait pu prendre pour des phares, nous montrèrent que la contrée n'était pas tout à fait déserte. Pendant tout le cours du jour suivant, nous n'aperçûmes qu'un seul gros rocher isolé, appelé le Soulier. Il me fit l'effet de ressembler parfaitement à la tête d'un chien de berger. Le 2 septembre, nous approchâmes de Malacca. On aperçoit le long de la côte des montagnes boisées, assez hautes, qui renferme à ce qu'on dit beaucoup de tigres et qui rendent les voyages dans cette presqu'île très dangereux. Le 3 septembre, nous atteignîmes le port de Singapour, mais si tard dans la nuit qu'il ne nous fut pas possible de débarquer. Le lendemain, je me rendis à la maison de commerce de Ben Mayer, pour laquelle j'avais des lettres. Depuis mon départ de Hambourg, Madame Ben était la première dame allemande que je rencontrais. Je ne saurais peindre la joie que j'éprouvais de trouver enfin, après une si longue privation, à qui parler, tout à mon aise, dans ma langue natale. Madame Ben ne me permit pas de descendre dans un hôtel. Il me fallut aller demeurer chez cette aimable famille. Je me proposai de ne rester que peu de temps à Singapour et de m'embarquer ensuite pour Calcutta sur un voilier, ayant pris un trop profond dégoût pour les vapeurs anglais. On m'avait assuré qu'il ne se passait presque pas 2 semaines sans qu'il se présentât une bonne occasion. Mais j'attendis en vain d'une semaine à l'autre et je fus enfin forcé de recourir encore à un de ces confortables vapeurs. Note. Ce sont des packet boats qui vont une fois par mois de Canton à Calcutta et qui, dans ce trajet, touchent à Singapour. Les Européens mènent à Singapour à peu près la même vie qu'à Canton, à cette différence près que la résidence de la famille est à la campagne et que le mari seul va tous les jours à la ville. Il faut dans chaque famille beaucoup de domestiques et la maîtresse de maison ne peut guère avoir la haute main sur les affaires de ménage parce qu'elles sont d'ordinaire abandonnées entièrement au premier serviteur. Les domestiques sont chinois, à l'exception des seis, cochers ou palefreniers, qui sont du Bengale. Tous les printemps, il arrive des cargaisons entières d'enfants chinois âgés de 10 à 15 ans qui viennent chercher du service. D'ordinaire, ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent payer la traversée. Dans ce cas, le capitaine les emmène pour son compte et reçoit en échange le salaire de la première année de service qui lui est payé d'avance par le maître. Ces garçons vivent très économiquement et quand ils ont gagné quelque argent, ils retournent dans leur patrie. Quelques-uns cependant s'établissent pour toujours comme artisans à Singapour. L'île de Singapour a une population de 55 000 habitants, parmi lesquels on compte 40 000 Chinois, 10 000 Malais, c'est-à-dire indigènes, et 150 Européens. Le nombre des femmes est, dit-on, très restreint, car il n'arrive de la Chine et de l'Inde que des hommes et des enfants. La ville de Singapour, en y comprenant ses environs, renferme plus de 20 000 âmes. Les rues sont larges et aérées, mais les maisons ne sont guère belles. Elles n'ont qu'un étage et les toits posent presque sur les fenêtres, ce qui donne à la construction un air tout écrasé. À cause de la température toujours très chaude, il n'y a point de vitres aux fenêtres, mais seulement des jalousies. Ici, comme à Canton, chaque article de commerce a sinon toute une rue, au moins sa partie de rue à lui. La halle à la viande et aux légumes est très belle et haute comme un temple. Comme il y a dans l'île de Singapour tant de nations diverses, on voit aussi différents temples, mais il n'y a guère que celui des Chinois qui mérite d'être visité. Il a la forme d'une maison ordinaire, mais le toit est orné à la manière chinoise. Seulement, il est trop surchargé. On y voit des flèches et des créneaux, des roues et des arcs sans nombre, formés de tuiles, de briques ou de porcelaine de couleur et ornés à profusion de fleurs, d'arabesques, de dragons et d'autres monstres. Au-dessus de l'entrée principale, on a taillé de petits bas-reliefs en pierre et les sculptures en bois, richement dorées, ne manquent non plus ni dans l'intérieur ni à l'extérieur du temple. On avait placé sur l'autel de la déesse de la miséricorde quelques rafraîchissements composés de fruits et de pâtisseries de toute espèce avec une toute petite portion de riz cuit. Ces mets sont renouvelés tous les soirs. ce que laisse la déesse échoit au bonze. Sur le même autel, il y a deux petits morceaux de bois sculptés, de forme ovale et élégante. Les Chinois les jettent en l'air et quand ils tombent sur le côté intérieur, c'est signe de malheur, tandis que dans le cas contraire, c'est un présage de bonheur. Mais les bonnes gens les jettent d'ordinaire jusqu'à ce qu'ils tombent conformément à leur désir. Une autre manière de consulter le sort est de mettre plusieurs bâtons fort minces dans une coupe et de la secouer jusqu'à ce qu'il en tombe un. Chacun de ces bâtons porte un chiffre qui désigne un passage d'un des livres de morale. Le peuple visitait bien plus ce temple que celui de Canton. Les petits morceaux de bois et les petits bâtons semblent être l'objet même du culte, car ce n'était guère qu'autour de ces bâtons qu'on voyait se presser la foule. Dans l'intérieur de la ville, il n'y a rien d'autre chose à voir. Mais l'aspect des environs, ou pour mieux dire, toute la petite île, est ravissant. La situation de Singapour n'offre, il est vrai, rien de grandiose ni d'imposant, parce qu'elle est privée de belles montagnes, qui sont le principal ornement d'un site. Le point le plus élevé sur lequel se trouve la maison du gouverneur et le télégraphe maritime n'a pas 70 mètres. Mais la fraîche et luxuriante verdure, les maisons riantes des Européens, situées dans de beaux jardins, les grandes plantations des épices les plus précieuses, les jolis palmiers à rec dont les tiges excessivement minces s'élèvent à une hauteur de plus de 30 mètres et se terminent en une couronne épaisse et frangée qui se distingue de toutes les autres espèces de palmiers par l'éclat de son feuillage. Enfin, les jungles, bois vierges, forment dans le fond le paysage le plus gracieux et l'on en apprécie encore bien plus le charme quand on vient, comme moi, de cette prison de Canton ou bien des alentours déserts de la ville de Victoria. Toute l'île est coupée par de belles grandes routes dont les plus fréquentées serpentent le long de la côte. On y voit de jolis équipages, des chevaux de la Nouvelle-Hollande, de Java et même d'Angleterre. Note, on n'y élève point de chevaux et on demande toujours à l'étranger ceux dont on a besoin. Fin de note. Indépendamment des belles voitures d'Europe, on s'y sert aussi de palanquins fabriqués à Singapour qui sont entièrement couverts et fermés de tous côtés par des jalousies. Ordinairement, on n'y attelle qu'un seul cheval et le cocher ainsi que le serviteur courent à côté de la voiture. Je ne pus dissimuler le déplaisir que me causait cette coutume barbare. On me dit qu'on avait voulu l'abolir, mais que les serviteurs avaient demandé eux-mêmes à courir à côté de la voiture plutôt que d'y être assis ou debout. Ils se pendent au cheval ou à la voiture et se laissent traîner. Il se passait rarement un jour sans que nous fissions une promenade en voiture. Deux fois par semaine, nous entendions sur l'esplanade, tout près de la mer, une superbe musique militaire. Note. La Compagnie des Indes orientales, à qui appartient cette île, y a un gouverneur et des troupes anglaises. Fin de note. C'était là que venait se réunir le beau monde, à pied, à cheval ou en voiture. On voyait des files de carrosses et tout autour une foule de jeunes gens à cheval et à pied. On se serait presque cru transporté au milieu de l'Europe. Mais je trouvais beaucoup plus de plaisir à visiter des plantations ou autres établissements de ce genre qu'à revoir ici la vie de l'Europe. J'allais fréquemment respirer les parfums des plantations de noix muscade et de clous de girofle. Le muscadier est couvert d'un feuillage épais du haut en bas et à la grosseur d'un bel abricotier. Sa feuille est luisante, on la dirait vernie. Le fruit ressemble tout à fait à un brugnon de grosseur moyenne. Quand il est mûr, il s'ouvre de lui-même et l'on voit une graine ronde de la grosseur d'une noix enveloppée d'une membrane à jour d'un beau rouge foncé. Cette membrane est ce qu'on nomme la fleur de muscade ou le massis. On la sépare avec soin de la noix et on la fait sécher à l'ombre en ayant soin de l'arroser plusieurs fois avec de l'eau de mer. Autrement, sa couleur rouge, au lieu de se changer en jaune, deviendrait noire. On fait sécher également la noix, puis on la fume et on la plonge à différentes reprises dans de l'eau de mer mêlée à une légère dissolution de chaux pour l'empêcher de rancir. On trouve ainsi à Singapour des muscadiers sauvages qui viennent sans culture. Un picoul de muscade cultivé coûte $60. Un picoul de fleurs de muscade, 200. Un picoul de muscade sauvage, 6. Le giroflier est un peu plus petit que le muscadier et il n'a pas le feuillage aussi vert ni les feuilles aussi grasses. Les clous de girofle sont les boutons des fleurs non encore ouvertes. On les cueille dans cet état, on les dessèche d'abord à la fumée, puis on les met quelque temps au soleil. Une autre épice est la noix d'arec, qui vient sous la couronne du palmier du même nom, en grappe de 10 à 20 baies. Le fruit est un peu plus gros que la noix de muscade. Son enveloppe extérieure est d'un jaune d'or si luisant qu'elle a l'air des noix dorées que l'on attache aux arbres de Noël. Son amande ressemble pour la couleur à la muscade, seulement elle n'est pas enveloppée d'une arille. On la sèche à l'ombre. C'est cette noix, jointe à la feuille de bétel et à de la chaux de coquillage brûlé, que mâchent les Chinois et les indigènes. Ils enduisent une feuille de bétel d'un peu de chaux, y ajoutent un petit morceau de noix d'arec et en forment un petit paquet qu'ils se mettent dans la bouche. En y joignant des feuilles de tabac, cela rend la salive rouge de sang et cela donne une telle couleur à la bouche qu'on croit voir un petit enfer, surtout quand, suivant un usage assez ordinaire chez les Chinois, les dents sont limées et teintes en noir. La première fois que ce spectacle me fut offert, je fus très effrayée, car je me figurais que le pauvre homme s'était blessé et qu'il avait la bouche pleine de sang. Un autre jour, j'allais visiter une fabrique de sagou. Le sagou non préparé vient de l'île voisine de Borromé. C'est la moelle d'une espèce de palmier court et à gros tronc. Pour la retirer, on abat l'arbre dans sa 7e année. On fend le tronc dans toute sa longueur, on recueille la moelle qui s'y trouve en grande abondance. Et après avoir ôté les filaments, on la passe dans des formes et on la sèche au soleil ou au feu. En sortant des formes, cette moelle a encore une teinte un peu jaunâtre. Dans les fabriques, on la réduit en fécule de la manière suivante. On laisse la moelle ou la farine tremper dans l'eau pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle devienne d'un beau blanc. Puis on la sèche encore une fois à l'air ou au feu. On l'écrase au moyen d'un morceau de bois rond et on la fait passer par un tamis. Cette farine fine et blanchâtre est mise dans un linge qui a été humecté d'abord d'une manière toute particulière. L'ouvrier prend de l'eau dans sa bouche et la répand en pluie fine sur le linge. Cependant, la farine ainsi mouillée est secouée fortement par deux ouvriers jusqu'à ce qu'elle prenne la forme de grumeaux qu'on sèche lentement sur le feu dans de grands chaudrons plats, en remuant sans cesse. Enfin, on la fait encore une fois passer par un tamis un peu plus large où s'arrêtent les plus gros grains. L'édifice dans lequel on faisait ce travail était un grand hangar sans mur dont le toit reposait sur des troncs d'arbres. Grâce à la complaisance de M. Ben Mayer, je trouvais l'occasion de faire une partie très intéressante dans les jungles. Ces messieurs, au nombre de 4, étaient munis de fusils à balles car ils se proposaient de suivre la piste d'un tigre. On devait en outre s'attendre à rencontrer des ours, des sangliers ou de gros serpents. Nous allâmes en voiture jusqu'au fleuve Galon où deux barques avaient été disposées pour nous. Avant d'y monter, nous visitâmes encore une raffinerie de sucre située sur le fleuve. Les cannes étaient rangées en tas devant la raffinerie, mais on n'en avait taillé que juste ce qu'on pouvait en raffiner dans la journée, car la grande chaleur fait aigrir très promptement le sucre. On passe la canne entre des cylindres en métal. La pression extrait tout le sucre qui coule dans de grands chaudrons où on le cuit et le clarifie. Pour le sécher entièrement, on le met dans des vases de terre. Les bâtiments de cette raffinerie ressemblaient à ceux de la fabrique de Sagou. Après cette visite, nous prîmes place dans les bateaux et nous naviguâmes en remontant le fleuve. Bientôt, nous approchâmes des jungles et le trajet devint plus pénible à chaque coup de rame. Il y avait dans l'eau ou au-dessus de l'eau beaucoup de troncs d'arbres renversés. Il nous fallut souvent quitter nos bateaux et les pousser par-dessus ces troncs, souvent nous coucher à plat ventre dans le bateau pour passer au-dessous des troncs qui, comme des ponts, s'inclinaient sur le fleuve. Des buissons et des ronces avec leurs épines et leurs aiguillons se penchaient de tous côtés au-dessus de nous. Quelquefois même d'énormes feuilles essayaient de nous barrer le passage. Ces feuilles appartiennent à une espèce de palmier appelée Mungkuang. Elles ont 12 cm de large près de la tige et plus de 3,5 m de long. Lorsque le fleuve n'avait guère que 3 mètres de large, elles allaient jusqu'à la rive opposée. Cependant, au milieu de toutes les beautés de la nature, on ne sentait pas trop ces inconvénients qui ne faisaient que relever le charme de l'ensemble. La forêt était épaisse et riche en bois taillis, en plantes grimpantes, en palmiers, en fougères arborescentes, dont quelques-unes avaient près de 5 mètres de haut et offraient contre les rayons ardents du soleil autant d'ombre que les palmiers et les autres arbres. Ma joie augmenta quand je vis dans les cimes les plus élevées des arbres sauter quelques singes de branche en branche et que j'en entendis plusieurs crier tout près de moi. J'aperçus pour la première fois ces animaux dans l'état de nature et je fus enchantée qu'aucun de nos chasseurs ne réussit à atteindre un de ces petits fripons. Mais en échange, on tua quelques écureuils et quelques superbes loris, espèces de petits perroquets dont le plumage brille des plus belles couleurs. Mais bientôt, un objet plus intéressant fixa notre attention. Nous aperçûmes entre les branches d'un arbre un long corps noir et en regardant de plus près, nous reconnûmes un grand serpent. Enroulé sur lui-même comme une grosse pelote, il guettait sans doute sa proie. Nous osâmes avancer assez près de lui. Il demeura immobile, nous regardant fixement avec ses yeux flamboyants, sans se douter combien sa mort était imminente. On tira sur lui et on le blessa au côté. Furieux et avec la rapidité d'un trait, il s'élança du haut de l'arbre, mais en restant pendu à une branche avec sa queue. Il s'allongeait et cherchait à nous atteindre de sa langue. Mais sa rage fut impuissante, car nous eûmes soin de nous tenir à une distance convenable. Plusieurs coups de feu ayant achevé de le tuer, nous nous arrêtâmes sous la branche à laquelle il était pendu. Un de nos bateliers, malais de nation, fit un petit lacet d'herbe forte et tenace et l'attacha à un bâton, le jeta autour du cou du serpent et l'attira ainsi dans le bateau. Il nous dit encore que nous trouverions certainement dans le voisinage un autre serpent, parce que ces reptiles se tiennent toujours par couple, non loin l'un de l'autre. En effet, les messieurs du second bateau avaient également trouvé et tué un autre serpent sur les branches d'un gros arbre. Ces serpents étaient d'un vert foncé, avec de belles taches jaunes et avaient plus de 3,5 mètres de long. On me dit qu'ils appartenaient à l'espèce des boas. Après avoir mis 4 heures à faire 8 milles, nous quittâmes les bateaux et nous prîmes un sentier étroit qui nous conduisit bientôt à quelques endroits défrichés, couverts de jolies plantations de poivre et de gambir. Le poivrier est un arbrisseau dont la tige, mince et articulée, rampe à terre, mais qui, avec des appuis, s'élève à 5 ou 6 mètres de hauteur. Les fruits sont disposés en grappes. Ils sont d'abord rouges, puis verts, et enfin d'un brun noir. Cet arbrisseau commence à produire dès la seconde année. Le poivre blanc n'est point un produit de la nature, mais une création de l'art. On plonge le poivre noir plusieurs fois dans l'eau de mer. Cela lui fait perdre sa couleur et le blanchit. Le picoul de poivre blanc coûte 6 $, tandis que le poivre noir ne coûte que 3 $ le picoul. Le gambir, arbuste grimpant, atteint tout au plus 2,5 mètres. On ne se sert que des feuilles, qu'on détache et qu'on fait cuire dans de grands chaudrons. Il en sort une gomme épaisse qu'on fait couler dans de larges vases en bois. Elle est ensuite séchée au soleil, puis coupée en morceaux de 7 à 8 cm de long et emballée. Le gambir est assez utile pour les tanneurs. Aussi en importe-t-on souvent en Europe. Les plants de gambir et de poivre sont toujours placés à côté l'un de l'autre, car on fume les poivriers avec les feuilles cuites du gambir. Quoique la culture des plantations, comme en général tous les travaux, soit confiée à Singapour, à des hommes libres, on m'assura cependant que cela revenait moins cher qu'en employant des esclaves. La main-d'œuvre est à très bas prix. On donne à un ouvrier ordinaire 3 $ par mois, sans le nourrir ni l'habiller. Ce faible salaire suffit à ces gens pour entretenir leur famille. Ils demeurent dans des cabanes de feuillage qu'ils se construisent eux-mêmes. Leur nourriture consiste en petits poissons, en tubercules et en légumes. Leur habillement ne leur coûte pas non plus grand-chose, car ils sont loin de la ville et dans les plantations, les enfants vont tout à fait nus et les hommes ne portent d'autres vêtements qu'un tablier large comme la main qu'ils se passent entre les jambes. Il n'y a que les femmes qui sont vêtues complètement. Ces plantations, où nous arrivâmes vers 10 heures, étaient cultivées par des Chinois. À côté de leur cabane de feuillage, ils avaient élevé un petit temple de bois. C'est là qu'ils nous reçurent. Aussitôt, l'hôtel fut proprement garni de quelques provisions que nous devions à la sollicitude prévenante de la bonne ménagère, Madame Ben. Mais au lieu de les offrir comme les Chinois à leur dieu, nous, pauvres pêcheurs, nous nous jetâmes dessus et nous les mangeâmes avec avidité. Après que notre appétit fut assouvi, on dépouilla le serpent et on fit cadeau de la chair aux Chinois. Ils donnèrent à entendre qu'ils ne toucheraient pas à ce reptile, ce dont je fus très étonné, car les Chinois mangent tout. Mais je ne fus pas longtemps à me convaincre qu'ils avaient voulu nous donner le change. Au retour de notre partie de chasse, au bout de quelques heures, je visitai les cabanes des Chinois et je les trouvai réunis dans une d'entre elles et assis autour d'un grand plat, deux morceaux de chair rôtie qui avaient tout à fait la forme ronde du serpent. Nos hommes voulurent le dérober aussitôt à mes regards, mais je ne leur en laissai pas le temps. Je leur donnai quelque argent et je les priai de me laisser goûter de ce mets. Je trouvai la chair exquise, très tendre et même plus délicate que du poulet. Mais cet intermède m'a fait oublier de parler de notre partie de chasse. J'y reviens. Nous avions demandé aux ouvriers s'ils ne pourraient pas nous mettre sur la piste d'un tigre. Ils nous dépeignirent un endroit de la forêt où il y avait peu de jours qu'un autre semblable devait s'être établi. Nous nous mîmes aussitôt en route. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que nous nous frayâmes un chemin dans la forêt. Il fallut grimper constamment par-dessus des troncs d'arbres renversés, nous glisser au milieu des buissons et des ronces et traverser des marécages. Mais au moins nous avancions, tandis que dans les forêts vierges du Brésil, on n'aurait pas même pu concevoir l'idée d'une telle entreprise. Sans doute, il y avait ici également des plantes grimpantes et des orchidées, mais elles n'y étaient pas en si grande quantité qu'au Brésil, et les arbres n'y étaient pas non plus si serrés les uns contre les autres. Nous en rencontrâmes de magnifiques qui avaient plus de 30 mètres de haut. Ce qui m'intéressa le plus, ce fut les ébéniers et les arbres de colime. le bois des premiers est d'une double espèce. On distingue la partie extérieure, l'aubier, qui est d'un jaune brunâtre, et la partie intérieure, qui est beaucoup plus dure et qui a une couleur noire. C'est elle qui fournit le véritable bois d'ébène. L'arbre de colime répand une odeur aliacée excessivement forte par laquelle il se fait reconnaître à quelque distance. Le fruit a également un goût d'ail. Les indigènes le mangent, mais l'Européen ne peut en supporter ni le goût ni l'odeur. Je ne fis que toucher à un morceau d'écorce fraîche et le lendemain, ma main en conservait encore l'odeur. Nous bâtîmes plusieurs heures la forêt sans rencontrer le tigre que nous cherchions. On crut un moment avoir découvert son repère, mais on reconnut bientôt qu'on s'était trompé. Un de nos chasseurs prétendit aussi avoir entendu le cri d'un ours. Mais il faut croire que ce cri ne fut pas bien fort, car personne d'autre de la société ne l'entendit, quoique nous fussions toujours ensemble. Nous rentrâmes sans gibier, mais enchantés de notre superbe excursion. Quoique Singapour soit une petite île, et malgré tous les efforts faits et tous les encouragements donnés pour la destruction des tigres, on n'est pas encore parvenu à les exterminer. Le gouvernement donne pour chaque tigre tué une récompense de $50 et la Société des négociants de Singapour en donne autant. La belle peau reste en outre à l'heureux chasseur et la chair même lui produit un bénéfice puisque les Chinois l'achètent pour la manger. Mais les tigres viennent à la nage de l'île voisine de Malacca, qui n'est séparée de Singapour que par un canal très étroit. Aussi ne pourra-t-on jamais les exterminer entièrement. On trouve à Singapour une grande variété de fruits. Un des meilleurs est la mangouste, que l'on ne rencontre qu'ici et à Java. Elle a la grosseur d'une pomme moyenne. Sa peau a plus d'une ligne d'épaisseur. Elle est d'un brun foncé au dehors et en dedans d'un rouge éclatant. Elle renferme un fruit blanc qui se divise en 4 ou 5 tranches. Elle fond presque dans la bouche et a un goût excessivement délicat. L'ananas est ici beaucoup plus juteux, plus doux et plus grand qu'à Canton. J'en vis plusieurs qui pouvaient bien peser près de 2 kg. Il y a des champs entiers qui en sont plantés. Au moment de leur maturité, on en a 300 ou 400 pour $1. On les mange souvent avec du sel. Un autre fruit, nommé soursop, et qui pèse aussi plusieurs livres, est vert en dehors et renferme une chair blanchâtre ou d'un jaune très pâle, qui a le goût de la fraise et qu'on mange également avec du sucre et du vin. Le gumalo est un fruit à côte. Il a la couleur d'une orange, d'un jaune pâle, mais le goût moins doux, et il n'est pas si juteux. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui le préfèrent à l'orange. Il est au moins 5 fois aussi gros. Mais le fruit qui, du moins à mon avis, mérite la palme est le custard apple. Note. On regarde universellement la mangouste comme le fruit le plus délicat du monde. Il est vert et couvert de petites écailles. La chair dans laquelle se trouvent des pépins noirs est très blanche, molle comme du beurre et d'un goût incomparable. On mange ce fruit avec de petites cuillères. Quelques jours avant mon départ de Singapour, j'eus l'occasion d'assister aux funérailles d'un Chinois aisé. Le cortège passa devant notre maison et malgré une chaleur de 36 degrés, je m'y joignis et je l'accompagnai jusqu'au lieu de la sépulture qui était à une lieue de distance. Auprès de la tombe, la cérémonie dura 2 heures, mais je ne quittai pas la place. J'étais trop vivement intéressée. La marche était ouverte par un prêtre à côté duquel s'avançait un Chinois avec une lanterne de 2 pieds de haut, couverte de cambrésine blanche. Venaient ensuite 2 musiciens, dont l'un exécutait de temps à autre des roulements sur un tambour. Le second frappait sur des cymbales. Ensuite paraissait le cercueil. Au-dessus de la partie supérieure, à l'endroit où était la tête du mort, un esclave tenait un grand parasol ouvert. À côté marchait le fils aîné ou le descendant mâle le plus proche, les cheveux dénoués et portant un petit drapeau blanc. Les parents étaient en grand deuil, c'est-à-dire habillés tout de blanc. Les hommes portaient même des bonnets blancs sur la tête et les femmes étaient tellement couvertes de mouchoirs blancs qu'on ne voyait pas leur visage. Les autres personnes qui suivaient le cercueil en différents groupes portaient toutes une bandelette blanche de cambrésine autour de la tête, du corps ou du bras. Lorsqu'on s'aperçut que j'accompagnais le cortège, un homme qui était muni de beaucoup de ces bandelettes s'approcha de moi et m'entendit une. Je la mis autour de mon bras. Le cercueil formé d'un tronc d'arbre massif était couvert d'un drap foncé. Quelques guirlandes de fleurs y étaient attachées et du riz placé dans un mouchoir était posé dessus. 24 hommes portaient ce pesant fardeau sur des perches énormes. On changeait souvent les porteurs avec beaucoup de bruit. Tantôt ils riaient, tantôt ils se disputaient. Dans le reste du public, il ne régnait ni tristesse ni recueillement. On causait, on fumait, on mangeait, et quelques hommes portaient dans des seaux du thé froid pour rafraîchir ceux qui avaient soif. Le fils seul s'abstenait de toute distraction et ne prenait part à rien. Il marchait, selon la coutume, à côté du cercueil, dans une affliction profonde. Lorsque le convoi arriva à la rue qui conduisait au lieu de repos, le fils se jeta par terre, se couvrit le visage et poussa de violents gémissements. Quelque temps après, il se releva et marcha en chancelant derrière le cercueil. Deux hommes furent obligés de le conduire. Il semblait profondément affecté et très souffrant. Plus tard, à la vérité, j'appris que cette tenue est la plupart du temps feinte, parce que la coutume exige que celui qui conduit le deuil soit brisé et malade de douleur, ou du moins paraisse l'être. Quand on fut arrivé près de la tombe, creusée à plus de 2 mètres de profondeur, sur la pente d'une colline, les porteurs ôtèrent le drap, les fleurs et le riz, jetèrent beaucoup de papier d'or et d'argent dans la tombe et y descendirent le cercueil, qui, je le remarquai alors, était bien façonné, verni et fermé hermétiquement. Tout cela demanda bien une demi-heure. Les parents se prosternèrent d'abord à terre, puis s'enveloppèrent la figure et poussèrent d'horribles lamentations. Mais comme cette cérémonie leur parut par trop longue, ils s'assirent en cercle autour de la tombe, se firent donner leur petit panier rempli de bétel, de chaux et de noix d'arec, et se mirent à mâcher tranquillement. Quand le cercueil eut été descendu, un de ces Chinois se plaça au haut de la tombe, ouvrit le petit paquet de riz et mit dessus une espèce de boussole. On lui donna une corde qu'il fit passer par-dessus le milieu de la boussole et qu'il tira à droite et à gauche jusqu'à ce qu'elle fût arrivée sur la même ligne que l'aiguille. Une autre corde à laquelle était attaché un plomb fut rapprochée de la première et descendue dans la tombe. Suivant la position de cette corde, on poussa le cercueil de côté et d'autre jusqu'à ce que le milieu se trouvât dans la même direction que l'aiguille. Ce travail demanda au moins un quart d'heure. Le cercueil fut ensuite recouvert de plusieurs grandes feuilles de papier blanc, et le Chinois, qui avait pris les dimensions, prononça un petit discours pendant lequel les enfants du mort se prosternèrent devant la tombe. Après ce discours, l'orateur jeta quelques poignées de grains de riz sur le cercueil et en lança jusqu'à la place où se tenaient les enfants. Ceux-ci relevèrent les coins de leurs robes pour attraper autant de grains que possible. Mais comme ils n'en recevaient que très peu, l'orateur leur en donna encore 2 ou 3 pincées. Ils les nouèrent avec soin dans les coins de leurs robes et les emportèrent. La tombe fut enfin recouverte de terre, pendant que les parents poussaient d'affreux gémissements. mais autant que je pus remarquer, tous les yeux restèrent secs. Après cette cérémonie, on mit en deux rangées sur la tombe des poulets, des canards cuits, du porc, des fruits, de la pâtisserie et une douzaine de tasses remplies de thé avec la théière. On alluma 6 cierges peints et on les enfonça dans la terre à côté des mets. Puis on fit brûler une grande quantité de papier d'or et d'argent. Le fils aîné s'approcha de nouveau de la tombe, se prosterna plusieurs fois en touchant la terre de son front. On lui présenta, tout allumé, 6 petits cierges de papier parfumé. Après les avoir élevés en l'air à plusieurs reprises, il les rendit. On les planta également en terre. Les parents firent à leur tour la même cérémonie. Pendant tout ce temps, le prêtre s'était tenu, sans se mêler de rien, loin de la tombe, assis à l'ombre d'un énorme parasol. Il approcha en ce moment, fit une courte prière, sonna plusieurs fois avec une clochette et son service se trouva achevé. On enleva les mets, on versa le thé sur la tombe et le cortège rentra gaiement au son de la musique qui avait aussi joué plusieurs fois près de la tombe. Les mets furent, me dit-on, distribués aux pauvres. Le lendemain, je vis la célèbre fête chinoise des lanternes. À toutes les maisons, au coin des toits, à des pieux élevés, on avait attaché des lanternes de gaz et de papier de couleur, ornées de la manière la plus élégante et peintes de figures de dieux, de guerriers et d'animaux. Dans les cours et dans les jardins des maisons, ou à leur défaut dans les rues devant les maisons, on avait étalé sur de grandes tables des pyramides de mets et de fruits au milieu de fleurs, de lumières et de lampes. Le peuple circula jusqu'à minuit dans les rues, les cours et les jardins. Ce n'est qu'à ce moment que les pyramides de provisions furent attaquées par les propriétaires et par leurs parents. Cette fête me plut assez. Et je n'admirai rien tant que la réserve et la modération du peuple. Il examina toutes les provisions avec des yeux de connaisseur, mais personne ne toucha la moindre chose. Singapour est à 58 minutes, 1000 marins, au nord de la ligne sur le 104e degré de longitude est. Comparativement à d'autres régions situées plus au sud, le climat est très agréable. Pendant mon séjour du 3 septembre au 8 octobre, la chaleur dépassa rarement dans les appartements 23 degrés et au soleil 38. Elle fut d'autant plus supportable que tous les matins, il y avait d'agréables brises de mer. La température change peu dans le cours de l'année, ce qui tient au voisinage de la ligne. Le lever et le coucher du soleil ont toujours lieu à 6 heures. Et immédiatement, il fait grand jour ou nuit profonde. Le crépuscule dure à peine 10 minutes. En terminant, je dois faire observer que Singapour sera bientôt le point central de l'Inde pour les bateaux à vapeur. Les vaisseaux de Hong Kong, de Ceylan, de Madras, de Calcutta y arrivent régulièrement tous les mois. Il vient également un vapeur de guerre hollandais de Batavia. Et prochainement, des vapeurs allant à Manille et à Sydney toucheront à Singapour. Fin du chapitre 9.